que ça. Je ne veux que toi. Je ne veux que ça. Je ne veux que toi. Je ne veux que ça. Je ne veux que toi. Je ne veux que ça. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi, que toi, que toi. Je ne veux que ça, que ça, que ça. Je ne veux que toi, toi, toi, toi, toi, toi. Ça, ça, ça, que ça, que ça. Je ne veux que toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Que toi, que toi. Alors, j'attends. Sinon, c'est moi qui vais mourir. Je ne veux que toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, que toi, que toi, toi. Je ne veux que toi. Je ne demande que ça. Alors, je ne veux que toi, que toi, que toi. Je ne veux que ça, que ça, que ça. Je ne veux que toi, que toi. Je voudrais passer à côté, mais je n'entends que ta voix qui me murmure tout bas. Je ne veux. J'attends.